Au sport, le 6 décembre, dans la Ligue de basketball Benjamin masculin division 3, Louis-Saint-Laurent affronte Marie-Rivier à l'école secondaire Jeanne-Mance à midi. Au hockey mineur, dans la Ligue de simple lettre Harford de Saint-François, l'équipe à tomber des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Blazers Frontières à Eastingus à 15h. L'équipe Pee-Wee A visite Métro Brunel-Val-Saint-François à Windsor à 13h15. L'équipe Bantam A reçoit Turmel à 16h15. L'équipe Midget A accueille Lac Mégantic à 19h15. L'équipe Midget B est à domicile pour affronter Turmel à 17h45.